Médialogue. Bienvenue en Médialogie. Médialogue. Didier Bonvin. Rancard avec le Rancard ce matin dans Médialogue. Le Rancard, c'est le rendez-vous quotidien de RTS Info au format ultra court calibré Instagram. C'est, je cite, ton rendez-vous avec l'actu tous les jours à 17h en Insta Story avec le tutoiement de rigueur sur les réseaux sociaux. Des stories de 15 secondes incarnées par la journaliste Margot Delevaux. Elle est avec nous ce matin. Bonjour Margot. Bonjour Didier. Alors bienvenue dans Médialogue. C'est sur la première et c'est jusqu'à 9h. Margot Delevaux, on va se dire vous à l'entrée. Hein, puisque c'est la règle. Oui, c'est de rigueur, je crois. C'est de rigueur pour ne pas exclure l'audience. Alors pourquoi ce tutoiement sur les réseaux sociaux ? Bon, moi, c'était très important pour moi parler aux individus directement, faire se sentir un petit peu unique et pas parler à une masse justement informe. Et puis, je crois que c'est de rigueur aussi sur les réseaux sociaux. Pour le coup, c'est des codes très différents. Et voilà, je voulais briser un peu cette frontière entre le journaliste et son public. Et alors, vous êtes la femme orchestre de ce Rancard d'info. Vous l'incarnez. J'ai d'ailleurs reconnu votre chemise ce matin, car je l'ai vue sur Instagram. Elles sont facilement reconnaissables, en effet. Donc, vous l'incarnez, vous écrivez, vous choisissez les sujets, vous tournez vos selfies, vous faites tout toute seule ou vous avez une immense équipe de tournage derrière vous? Non, alors on va dire que c'est toujours un travail collectif de toute façon. Mais on n'est que deux, voilà, par jour, à 100%. Une personne qui monte, qui s'appelle Artyom Missiri. Et du coup, voilà, c'est un travail forcément en duo, donc on s'inspire mutuellement. Et oui, c'est vrai que je filme toute seule. Donc j'ai développé des muscles dans le bras droit vraiment démesurés par rapport au gauche. Ça va, il n'y a pas de crampe. Ouais, si, un peu. Donc il va falloir que je rééquilibre tout ça. Mais c'est des journées très très rythmées et un format surtout qui évolue tout au long de la journée. Donc ça, c'est très chouette. Une journée très rythmée, donc on va faire des behind the doors dans Médialogue. C'est ça, comment exact. Ça se passe votre journée pour produire un rancard? Bon, on va dire que comme tout format quotidien, ça commence très très tôt le matin. Je me lève entre 7h et 7h30. J'écoute la matinale de la première, évidemment. Merci. Et voilà, je recoupe les sources, ce qui est très important pour moi. Donc je vais aussi sur les radios françaises, les radios belges quand j'ai du temps. J'enfourche mon vélo, voilà, je vais à la tour RTS à Genève. Et là, vraiment, je ratisse le web. Donc, je vais lire toute la presse, internationale, locale, voilà, nationale. Et ensuite, on a une mini-séance de rédaction. Donc, on confronte un peu nos points de vue. Voilà, des fois, ça s'écharpe un petit peu, mais c'est toujours assez bienveillant. Donc, c'est une très belle ambiance là-dessus. Et ensuite, vient la phase d'écriture qui dure, je sais pas, à peu près 1h30. C'est pas 15 secondes. Quelque chose comme ça. Non, c'est pas 15 secondes. Alors, j'ai le chrono 15 secondes en tête maintenant qui est vraiment ancré dans mon cerveau. Mais heureusement, ça me prend plus de temps d'écrire. Et ensuite, finalement, vient la phase de tournage. Donc voilà, avec mon smartphone, un micro-cravate que je mets sur mes chemises reconnaissables et puis c'est parti quoi, je vais me tourner dans la rue. Parce que finalement, le rancard, ça a commencé dans ma cuisine. Donc, je suis quand même sortie de ma grotte. Sortie de votre cuisine. Voilà, exactement. C'était nécessaire. Je suis sortie voir le monde dans la rue. Et puis, le tournage dure à peu près 1h30. Quand je suis très en forme, 1h. Accessoirement, je mange quand même. Et puis après, finalement, on retourne en fait des scènes pour coller au plus près de l'actualité du jour. Et puis vient le travail des sous-titres. Je participe aussi à ça. On voit justement avec Artyom un petit peu ce qu'on va mettre, comment, si on fait des mises en scène, si on essaie de donner l'information de manière un peu plus originale. Et puis je réponds aux messages, voilà, que je reçois sur les réseaux sociaux, ce qui me prend beaucoup de temps. Et puis vient évidemment la phase de publication, qui est assez touchy. Faut pas faire de bêtises. Donc voilà, c'est un moment de grande concentration. Et puis c'est la fin de la journée et ça recommence le lendemain et le jour d'après. Donc voilà. Gros rythme. Hein. Margot Delevaux, si on vous invite ce matin dans Médialogue, ce n'est pas uniquement parce qu'on vous aime bien, mais c'est aussi parce que vous fêtez vos 2 ans d'existence. Flashback. Salut, moi c'est Margot. Tu fais quoi toi tous les jours à 17h? Ben, moi j'ai décidé de t'inviter chez moi pour ton rancard avec l'actualité. Des news qui agitent la Suisse. Cette pénurie qui pointe le bout de son nez vous inquiète. Donc, le monde. I'm a cheerleader for this country. Celles qui sortent un petit peu du lot. Ça se passe tous les jours en Insta Story sur RTS Info. Et en plus, t'auras même un petit rôle à jouer. Est-ce que tu sais, toi, à quoi ressemblait le pôle Sud il y a 90 millions d'années? Alors abonne-toi et surtout, s'il te plaît, ne me pose pas de lapin. le rencard de RTS Info, l'info en Insta Story. On a beaucoup d'éléments dans ce son, Margot. Le tutoiement, l'invitation chez vous, la relation avec les internautes. Alors, on va détailler tout ça ce matin dans Médialogue, un format qui dure heureusement plus de 15 secondes. Bon, j'ai quand même envie de savoir à quoi ressemblait le pôle Nord il y a 90 millions d'années. Vous vous souvenez? C'était le pôle Sud déjà, je crois. Je me souviens plus honnêtement si je retenais toutes les infos. Ce serait cet extrait date de quand, Margot? Ça date de quand? Mais très très bonne question. Je dirais il y a 2 ans du coup. Mm-hmm. C'était au lancement, si oui, je me trompe pas. Exactement. Le lancement. Ouais, vous vous souvenez de la date? Février. C'était le 14 avril. D'accord. C'était le 14 avril le lancement. Ouais. On fête à peu près les 2 ans ce matin. Voilà, exact. Pourquoi ces questions aux internautes? Le but c'est de chercher un engagement. C'est de chercher un engagement, c'est surtout en fait qu'il y ait une interaction. Moi, le but, je veux donner un rôle aux internautes, je veux qu'ils se sentent écoutés, compris parfois, ou peut-être pas compris, mais qu'on puisse justement instaurer un dialogue. Et c'est justement le but de ce format, c'est d'instaurer le journalisme conversationnel. Enfin, les gens soient assez surpris en fait que ce soit moi qui réponde aux messages, mm-hmm, et pas juste pas un community manager ou voilà. Et du coup, ça amène finalement, ça tisse des liens. Ils m'envoient des initiatives, des choses qu'ils ont vues, qui les ont marquées. Ils ont envie que je parle de ça, donc moi je le fais. Malheureusement, je peux pas parler de tout, mais en général, j'essaie de répondre à chaque message. Il y a des gens qui m'envoient de la poésie, il y a des gens qui m'envoient qui me font aussi remarquer des erreurs, et ça c'est très très très précieux pour moi. C'est-à-dire que les réseaux sociaux en fait me permettent de me remettre en question et par exemple de faire des corrections. Donc quand je vais me planter dans le rencard, je vais faire une story sur mon compte perso où je vais justement montrer, voilà, j'ai fait cette erreur hier, mea culpa, voilà, je rectifie. Et ça, je pense que c'est une possibilité qu'on n'offre pas assez aux journalistes. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment super. Margot Delevaux, les internautes sont bienveillants avec vous. Il y a beaucoup de trolls et d'anti-journalisme dans les réseaux sociaux en particulier. Alors honnêtement, je trouve que sur Instagram, les gens sont quand même extrêmement bienveillant. Enfin, je touche du bois, là, je vois qu'il y en a, mais... Oui, c'est en bois, la table. C'est en bois, c'est ça, je touche du bois pour que ça continue. J'ai eu des échanges un peu houleux, ou même, voilà, des insultes, hein, clairement, c'est pas un monde de bisounours. Par contre, moi, je suis vraiment de l'école de surtout pas bloquer, de bannir de la communauté, mais plutôt d'entrer, justement, en interaction avec ces personnes. Alors déjà, quand ils se rendent compte qu'il y a une vraie personne derrière avec un petit cœur, eh ben, ils se calment, ouais, un cœur qui bat, voilà, ils se calment un petit peu. Et puis, je pense qu'ils ont surtout envie de se sentir écoutés, de voir justement qu'ils sont un individu, pas une masse informe. Et puis parfois, il y en a même qui s'excusent, avec qui, voilà, j'ai des discussions qui deviennent vraiment cordiales, voire amicales. Donc ça marche peut-être, en tout cas pour certaines personnes. Donc voilà. Vous êtes comme le Bitcoin, hein, vous avez démarré à 0 sur Insta, vous en êtes à combien? Alors là, c'est un petit peu difficile parce qu'on vient de se lancer sur l'app d'RTS Info, donc j'imagine, en tout cas j'espère que les chiffres ont un peu augmenté. En général, on a 35 000 personnes entre Facebook et Instagram. 35 000, voilà. Oui, c'est à peu près comme le Bitcoin, hein. Je crois qu'il est à 37 000 aujourd'hui. Exact. Margot Delevaux, vous avez un CV long comme le bras. Avant d'être sur Insta, vous êtes passé par des médias plus classiques, hein, comme la presse écrite, la TV ou la radio. Alors, est-ce qu'il y a un ton Insta? Vous avez dû désapprendre votre ton news flash pour apparaître plus naturel sur Instagram? Ouais, tout à fait. Alors heureusement, il est plus dur à prendre qu'à désapprendre. Donc finalement, ça a été assez rapide. Je pense que j'ai pris un mois, honnêtement, pour le perdre vraiment. Le but, c'est pas que je parle comme si je buvais une bière au coin de la rue, mais de garder quand même un ton sérieux, mais justement un peu plus frais. Vous buvez des bières, hein, sur Insta, je l'ai vu aussi, le matin. On a osé. Oui, alors ça, j'ai dû cette petite boisson houblonnée à 10h du matin. Ça va. Il y a plus dur. Mais c'est vrai que oui, il y a ce côté un petit peu, on va dire, plus familier, voilà, mm-hmm, je pense. Il y a moins c'est un dispositif aussi plus léger. On casse un peu les codes, je pense qu'on le voit, voilà, mm-hmm, je suis pas maquillée en conséquence, je m'habille un peu comme je veux, ce qui est un luxe, voilà, non, mais ce qui est un luxe aussi, hein, faut, mm-hmm, faut pas se leurrer. Mm-hmm. Et puis, oui. C'est de coller justement à, en fait, de proposer un format pour les réseaux sociaux et pas d'adapter du contenu télé ou radio. Et ça, on se rend compte que c'est ce qui marche, quoi. Alors, il arrive que vous sortiez de votre cuisine, on l'a dit, vous vous délocalisez même jusqu'à la chaux de fond. Extrait. Ta tête! Ok. Si je suis là, c'est pour te donner rancard. Le 15 octobre prochain à La Chaux-de-Fonds, le R et son équipe seront entre le Café du Coin et la rue du Marché. Donc tu peux venir voir comment on fabrique un rancard et même participer à la story du jour. Et si tu as en tête, je sais pas, une info de ta région, une actu locale, quelque chose qui t'a inspiré, une initiative constructive ou même quelque chose qui t'a révolté, alors tu peux me l'envoyer en MP et on choisira deux personnes pour venir les présenter avec moi dans le rancard. Allez, je te dis à bientôt, en vrai, à la tchou. Non, c'était nul. Mais non, c'était pas nul, vous êtes dur avec vous. Ce ton, ces rushs, ces bouts de rush, c'est important pour vivre sur Instagram, d'avoir cette fraîcheur et de garder peut-être les chutes ou ouais, les erreurs. Ouais, bien sûr, bah, c'est les éclats de rire, c'est aussi, je pense, voilà, une affaire d'honnêteté. Je trouve que c'est chouette de montrer que parfois je me plante, parfois je suis ridicule. Voilà, je reste un humain avant tout, je suis pas un robot. Et je pense justement, c'est ça que les gens veulent voir, c'est peut-être behind the scene, justement, comme vous disiez. Et puis peut-être de les incorporer, de montrer qu'on bouge, qu'on va à eux. Mm-hmm. Et c'est le but des délocalisations, mm-hmm. En fait. Là, justement, c'est la prochaine, on l'a décidé hier. Donc, okay. Ce sera le 5 mai à Fribourg. Donc, je me réjouis voilà, d'aller découvrir un peu, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Oui, bah c'est vrai qu'on a été un peu, on nous a coupé un peu l'herbe sous le pied avec le Covid, mais là on compte le faire beaucoup beaucoup beaucoup plus souvent. Donc ouais, ça j'y tiens beaucoup. Comment vous choisissez vos sujets? Comment vous faites l'équilibre entre les infos locales et les infos internationales et peut-être des infos ultra locales? Bon, en général, c'est vrai qu'on a toujours, comme on appelle en journalisme, une ouverture. Donc voilà, c'est l'actu dominante suisse. Je commence souvent avec ça. Et puis ensuite, on déroule les actualités nationales, un peu plus locales. On passe à l'international, où là, j'essaie souvent de parler d'infos dont on n'entend pas trop parler. D'ailleurs, je commence... comme ça, on n'en a pas trop entendu parler dans les médias pour voilà, ne pas parler que de Covid ou d'invasion en Ukraine, d'essayer de varier un peu les sujets. Et puis ensuite, on passe aux initiatives constructives. J'essaie aussi d'apporter un journalisme de solutions, peut-être voilà, des nouvelles un peu plus réjouissantes. Et souvent, je finis sur voilà, un rendez-vous culturel. Voilà, donc ça, c'est principalement Le journalisme de solution, c'est quelque chose qui plaît aux internautes, peut-être aux plus jeunes. Il y a une demande là-dessus? Oui, il y a une grande demande. Justement, bon, l'info ce jour-là a éclipsé ce micro-trottoir qu'on avait fait justement près de l'Uni de Genève. On avait demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils attendent finalement de nous, ce qu'on produit sur les réseaux sociaux. Et j'étais très étonnée parce que, enfin, ce qui est vraiment revenu, c'est on a besoin de bonnes nouvelles. Voilà, on a besoin d'infos locales, de nous montrer que tout est possible, qu'on peut créer ensemble, etc. Et essayer un petit peu de fédérer autour de ça. Alors honnêtement, c'est très compliqué parfois de trouver des bonnes nouvelles, surtout en ce moment. Mais je m'y attelle et j'espère que les gens le remarquent un petit peu. Mais oui, bien sûr, c'est très très important d'en parler aussi. Comment on se positionne en tant que journaliste sur Instagram? Est-ce que les gens font la frontière, comprennent que vous êtes journaliste et pas peut-être influenceuse? Alors ça, c'est un débat, c'est vrai qu'il revient très souvent. La frontière devient de plus en plus poreuse, je pense, voilà, pour les internautes. Après, moi, elle est très claire, je ne vends rien, je ne vends pas d'influence. Je reçois parfois des messages qui me proposent de défendre des coussins anti-rides. Ce n'est pas moi, ce n'est pas du tout mon rôle. Voilà, je suis une journaliste, je défends l'info, j'ai une éthique. Voilà, je ne vends rien du tout, quoi. Donc, je pense que je tiens ce cap-là, évidemment, et j'espère que les gens feront de plus en plus la différence. Le fait de donner les liens, c'est important, c'est ça qui va peut-être vous distinguer. Exactement, ça, on y tenait beaucoup, beaucoup de, justement, à la fin du rancard, il y a à chaque fois les sources, les liens qui permettent finalement d'aller plus loin. Parce que moi, en fait, je suis une porte d'entrée sur l'info. Je suis vraiment le résumé de l'actualité du jour. Donc, le but, c'est aussi de donner envie aux gens d'aller plus loin, de cliquer, de se renseigner, de multiplier les sources aussi. Ça, j'y tiens beaucoup. Et c'est vrai que les gens me le demandent voilà, régulièrement. Est-ce que t'as telle étude? T'en as parlé hier? Est-ce que tu peux me l'envoyer? Etc. Et ça, je pense que c'est chouette. Ouais. C'est chouette qu'ils aient accès à ça. Margot Delevaux, c'est à peu près l'anniversaire des 2 ans du rancard. Quel bilan en 2 ans? Les formats évoluent très vite sur les réseaux sociaux? Oui, ça évolue très très vite. Je pense que on va, voilà, c'est l'art aussi de ne pas lasser. Je pense qu'il faut se renouveler tout le temps, se remettre en question. C'est le but. Donc c'est pour ça, par exemple, que récemment on a créé le rancard du week-end. Je me suis dit que 5 par semaine, c'était pas assez. Donc voilà, faut continuer. Voilà, faut continuer. Donc on a créé ça et finalement, moi, ça me permet aussi de respirer. C'est un format qui est pour moi long, c'est-à-dire 1 minute. Mm-hmm. Donc je peux vraiment développer un sujet sur fond vert, peut-être avec un graphisme encore un peu plus léché. Donc ça, C'est un projet qui est assez excitant. On est sur l'app d'RTS Info. On va... Ça, c'est la nouveauté cette année. Voilà, c'est aussi une des nouveautés. Du coup, vous devenez un format de vieux. Non, pas du tout. Non. Justement, moi, je suis pas du tout pour ce jeunisme, l'antagonisme un peu générationnel, la porte-drapeau des jeunes. Non, pas du tout. Je pense que, voilà, il y a aussi des quinquas sur Insta. Faut exclure surtout personne, en fait. Vous êtes porteuse d'image. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Vous êtes quand même assez reconnue? Oui, parfois, mais je pense que je suis beaucoup plus gênée que les gens, finalement. J'ai eu une scène assez gênante la dernière fois. On m'a demandé, est-ce que tu peux nous offrir une photo? Et j'ai pas compris, et je leur ai demandé de poser. Et je ne comprenais pas parce qu'il n'y avait pas de vue, pas de monument. Ils m'ont dit non, mais on aimerait bien que tu sois dessus. Et je dis, ah, ok, bon. Donc j'ai des trucs rouges. Ouais, voilà. Donc c'était un peu gênant. Mais non, en général, les gens sont plutôt cool. Et puis les moins cool, bah, je me permets de les rembarrer gentiment. Voilà. Pour les 1 an, vous avez fait un live pour les 1 an du Rancard. Donc ce format ultra court d'information. Pour les 2 ans, vous avez fait tourner Manège. Il y a d'autres actions prévues. Donc quand j'ai tourné Manège, pour les auditeurs qui n'ont pas vu, vous étiez sur un manège à la plaine de Paimpalais en selfie. Ça se couait pas mal. Ah ouais, c'était épique pour le coup. Ouais, ça m'a donné un peu le tournis. Ça s'est totalement improvisé. Mm-hmm. On voulait faire ça de manière originale et puis mettre un petit peu aussi en danger. C'est le but, je pense, de pas se reposer sur ses lauriers. Donc voilà. Le but, c'est vraiment de se déplacer en fait dans les régions, de pas toujours parler aux grandes villes des cantons, mais d'aller plus en campagne. J'espère pouvoir le faire très prochainement. Ça prend du temps. Je l'organise l'après-midi. Voilà, c'est du temps en plus, mais je pense que ça vaut vraiment vraiment le coup. Et puis le but, c'est d'être au plus près des gens, de peut-être multiplier les interviews. Voilà, on va essayer de plus donner la parole aux internautes, ce serait chouette, ouais. Pour une journaliste comme vous, qui est passée par la TV, la radio, la presse écrite, c'est pas un peu frustrant de faire de l'info en 15 secondes? Déjà, je suis content que vous me parliez de 15 secondes, j'avais peur de faire des slides de 15 secondes avec vos réponses. Frustrant, je pense qu'au début, j'ai eu peur, je me suis dit, mais 15 secondes, qu'est-ce que je vais pouvoir dire en 15 secondes? C'est ultra court. Et bizarrement, on peut dire énormément de choses. Je pense que si j'ai réussi à dynamiser un peu ce rythme, je parle beaucoup plus vite qu'au début. Quand je me réécoute, voilà, il y a 2 ans, c'est vrai que c'était beaucoup plus, déjà monocorde, j'osais moins me lâcher et... Là, je pense que moi, un des choses les plus finalement gratifiantes, c'est que les gens qui me connaissent très bien me reconnaissent, me disent voilà, c'est un format qui te ressemble, c'est toi, tu joues pas de rôle, t'es hyper naturel, et j'essaie de me tenir à ça. Et finalement, quand c'est frustrant, bah voilà, j'écris à côté, mais pff, non. Non, vous avez parlé plus vite pour tenir en 15 secondes. Oui, c'est ça, je parle plus vite. Non, mais vraiment, j'articule au maximum, je parle très très vite et ça passe, quoi. Prends soin de toi et des autres, ce gimmick final assorti d'un sympathique clin d'œil, ça vient d'où? C'était un produit Covid qui est resté? Mais non, parce qu'on a pensé le rancard justement avant le Covid. Mm-hmm. Bon, donc finalement, ça s'est lancé dans la cuisine, ça devait pas du tout être le cas, mais on s'est adapté, donc... ce gimmick vient de... Je me suis rendu compte qu'il fallait prendre peut-être soin de soi avant de bien prendre soin des autres. Donc c'est peut-être venu de là. C'est quelque chose que je dis énormément à mes proches. Et je crois que c'est venu tout simplement comme ça. C'était assez instinctif, en fait. C'est quelque chose de naturel. C'est pas une signature qui... Ah non, Insta, non, je l'ai pas construite. Je me suis pas dit... Non, je me suis pas dit, il faut que je finisse de manière hyper originale. Non, c'est venu comme ça. Le geste aussi est venu comme ça. J'ai beaucoup hésité. Je trouvais ça un peu ridicule au début. Après, je me suis dit, allez, on se lance. Et puis on se plante, en fait. Il faut aussi avoir de se dire, je vais peut-être me planter, c'est un pari. Et puis c'est souvent comme ça, quand on a l'audace, que ça paie parfois. C'est le plaisir des réseaux sociaux. Ce clin d'œil est à voir sur ce rancard, ce rendez-vous d'infos ultra court calibré Story Insta. Margot Delevaux, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous et des autres. Je vous fais un clin d'œil. Parfait. Bonne journée. Merci, bonne journée.